l'angoisse existentielle de l'être humain qui est liée à des blocages, qui est liée à des formes dans la mémoire collective qui bloquent l'énergie parce qu'elles sont désuètes, eh bien cette énergie-là qui se manifeste en angoisse pour protéger l'ego du réel, car de l'angoisse ce n'est pas conscient, eh bien ça, l'énergie qui bloque va finir par gruger les vieilles formes. Si on reprend là l'affaire de la Trinité, il va y avoir des individualités réelles, c'est-à-dire qu'il y a des corps, le Fils, qui vont recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit, puis vont reconnaître, c'est la reconnexion avec c'est ce qui a été dit, les canaux universels, les circuits universels avec le Père, l'intelligence. Quand l'intelligence va rencontrer une loi de sympathie réelle, universelle, c'est-à-dire l'intelligence descend à travers l'amour, ça engendre qu'il y a une volonté réelle sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a une incarnation complète, réellement, dans la matière, c'est-à-dire que même les lois de la matière sont intégrées. À ce moment-là, l'être humain, au niveau collectif, parce que plus il va y avoir de fils de la lumière, si vous voulez, le Père, qui passe à travers l'esprit, puis s'engendre, bon, plus la technologie fera qu'elle sera mentalisée au sens où l'être humain pourra contrôler la matière à partir de technologies dans le subtil. Qui passe à travers le mental et qui influence la matière directement, immédiatement, c'est-à-dire sans réelle médiation, il n'y a aucun mouvement. Les formes ne bloquent plus, l'énergie ne ralentissent plus l'énergie parce que le véhicule de l'incarnation dans le plan matériel, c'est-à-dire l'ego dans un corps, est assez dense et prêt pour recevoir la lumière de sa propre source pour que la source enfin s'incarne sur Terre, qu'il y ait des consciences réelles de l'intelligence universelle qui s'individualise, mais pas dans des individualisations, sens social, collectif comme on l'a connu par rapport à de la mémoire, mais un niveau de savoir instantané. Une sortie de la connaissance structurelle, psychologique, civilisationnelle de l'involution pour une entrée dans un réel âge d'or. Mais tout se paye et pour atteindre ça va prendre des grands chocs comme à chaque fois. Pour qu'elle naisse une civilisation, il faut qu'il en meure une autre. C'est des lois extérieur. C'est extérieur à la conscience, ce n'est pas conscient. La domination sur Terre, c'est de la programmation qui prend la place, qui gère l'énergie, parce que la conscience sur Terre n'a pas les bras assez forts pour se supporter elle-même, son propre poids, à travers son véhicule. L'ego humain est encore habité par des forces qui ne sont pas de la conscience. C'est ça la subjectivité. Ce n'est pas lié à une sortie de la socialisation pour entrer dans quelque chose d'antisocial ou d'égoïste, l'évolution. C'est la capacité d'intégrer les lois de une manifestation consciente à travers la multidimensionnalité parce que certaines lois sont intégrées par la conscience. Les parois de l'ego sont assez solides, ils deviennent clairs comme du verre, l'ego devient une lentille. La pollution est brûlée, l'ego est dépollué. Puis tout passe, vous voyez, il y a une vue claire de ces lois-là. Même Même l'espoir n'a plus de sens. Si je dis aux gens de ne pas avoir d'espoir, de ne pas chercher à être heureux, ce n'est pas pour les plonger dans le désespoir et les rendre malheureux, c'est pour les libérer. C'est pour, mais l'individu peut, un processus d'individuation, c'est de se libérer soi-même par soi-même, pour soi-même. Mais des fois, l'énergie passe par tous tes vibratoires, donc il y a des rapports de sympathie. C'est pour ça que je pense que Bernard et Kemp avaient intégré l'amour. C'était un amour intelligent volontaire de parler. Les trois principes, puis aussi le respect de ce qui appartient pas à celui qui parle. Il n'y a aucun mérite à parler. C'est plus une question de mérite, ça n'a même pas de rapport. Rien à voir avec les valeurs psychologiques, sociales du collectif. Ça n'a pas d'importance au sens où il ne faut pas donner d'importance. Ne pas se troubler si c'est inutile. Parce que ça embue la lentille, ça. C'est une question de gestion d'énergie et de plus en plus au cours là de ce qu'on peut appeler le processus de conscientisation, eh bien, de plus en plus, il y aura de la conscience manifeste dans l'ego et une gestion réelle de l'énergie, au sens que il n'y a plus de questions existentielles inutiles qui n'ont d'importance que dans le plan psychologique, comme d'où venons-nous, où allons-nous, il n'y a plus de questions. C'est fini le questionnement. C'est fini l'espoir parce que on n'en a pas besoin. C'est fini la croyance parce que dès qu'une illusion est vue, la forme est détruite et l'énergie est réacheminée à l'ego qui va ensuite entrer en expérience, dépendamment d'où il est rendu, pour, par l'expérimental, intégrer les lois qu'il a vues, parce que savoir quelque chose et le réaliser, c'est pas pareil. Pour que ça descende complètement dans la matière, souvent, il va falloir réaliser par l'expérimental. Mais ça, il n'y a pas à s'en faire avec ça, parce que ça vient de l'extérieur. On ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler comment sont gérées les grandes routes, les chemins, mais on peut être au volant de son véhicule, de plus en plus. De plus en plus présent, de plus en plus incarné, de plus en plus capable de voir sans en souffrir psychologiquement. Le psychologique, donner de l'importance à quelque chose, c'est mettre en vibration une forme qui va vous drainer de l'énergie. L'épuration du mental, la dépolarisation du mental, la capacité d'avoir un emplacement d'observation en dehors du plan réflexif psychologique, c'est-à-dire une vue, ce que j'appelle la vue. Ça fait qu'il y a une multidimensionnalité que ça finit par être vu par la conscience. Puis vous allez de plus en plus habiter vos différents véhicules. Vous allez être bien dans votre corps, vous allez être bien dans votre mental, mais vous allez être bien le plus que vous le pouvez tout le temps. Mais souvent, il va falloir souffrir beaucoup. La souffrance, c'est pour intégrer. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de conscience. Si l'humanité tient le couteau du côté de la lame par rapport à l'expérimental, c'est pour ce qu'à force de souffrir, qu'elle se rende compte qu'elle tient le couteau du mauvais côté. Un jour, les forces vont réellement servir là, parce que elles en feront partie, elles seront elles aussi épurées, retransformées, parce que ce qui atteint le fond du contenant remonte tout en continuant à, et c'est un circuit continu